Rendez-vous sur la chaîne Toute l'Histoire. Revivez les grands événements qui ont bouleversé le monde. Toute l'Histoire décrypte les moments forts et les grands destins qui ont marqué notre histoire. Ce mois-ci, le documentaire inédit « Naître Svetlana Staline » retrace le portrait de la fille unique de Staline qui a fui l'Empire soviétique pour l'Ouest en pleine guerre froide. Dimanche à 20h40 sur Toute l'Histoire. Toute l'Histoire est une chaîne du groupe Media One, disponible chez tous les opérateurs. L'archéologie des marges est un sujet qui intéresse les archéologues, puisqu'il permet de mettre en perspective un centre et ses périphéries. Par exemple, l'Empire romain et la Germanie, la Mésopotamie et les pays du Golfe, l'Égypte et la Nubie, les exemples sont innombrables. Le concept de centre et de périphérie s'avère cependant à géométrie variable, puisqu'il est affaire de points de vue. On peut alors se demander quel est le centre et où s'arrêtent les marges. Le sujet fait d'ailleurs débat dans le champ de l'historiographie. Il révèle toutefois une vraie dissymétrie entre une entité et son pourtour, souvent dominée. Les marges sont un thème que l'on évoque peu. Et pour cela, le magazine d'archéologie de France Culture les convoque aujourd'hui au travers d'un très bel exemple, le Japon. Pierre-François Souhiri, Laurent Nespoulous, bonjour. Bonjour. Bonjour. Ancien directeur des études à l'École française d'Extrême-Orient, ancien directeur de la maison franco-japonaise de Tokyo, Pierre-François Souhiri, vous êtes désormais professeur honoraire de l'Université de Genève. Archéologue, Laurent Nespoulous, vous êtes maître de conférence à l'INALCO, Langzo, vous êtes surtout tous deux les auteurs d'une somme parue dans la collection Mondes Anciens aux éditions Belin, Le Japon des chasseurs-cueilleurs à Eian. Avant d'évoquer les étonnantes cultures de ces marges, dont les fameux Aïnous appartenant à l'extrême nord du Japon sur l'île d'Hokkaido, plantons le décor. Le Japon, c'est avant tout un état souvent fort, sur lequel vous êtes penché, Pierre-François Souhiri. Oui, alors le Japon, est effectivement, il y a un état qui s'est construit au fil des siècles, bien entendu. On peut discuter de l'apparition réelle de cet état, mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe à la fin du 7e siècle et au début du 8e siècle. Il se construit dans le Kinai, c'est-à-dire la région autour des villes actuelles de Kyoto, Osaka, Nara. Et petit à petit, il s'étend vers l'est et vers l'ouest pour englober des territoires qui, à l'origine, n'étaient pas du tout sous sa domination. Par exemple, le Kanto, c'est-à-dire la région actuelle de Tokyo, dès cette époque. Et puis, plus tard, le sud de Kyushu, qui échappait aussi à cette domination à la fin du 8e siècle. Et puis enfin, petit à petit, les marges plus septentrionales sont à leur tour englobées à l'intérieur de cet état. Alors cet état, évidemment, évolue selon les périodes. Au début, il est l'objet, disons, c'est un état qu'on appelle l'état des codes, l'état antique, si on préfère, avec une capitale, une aristocratie de cour et un personnage, un monarque au centre de cette ville. Et puis, petit à petit, les régions, les provinces se développent et naît une classe un groupe, en tout cas, de notables locaux qui s'arment, qu'on appelle les samouraïs ou les guerriers, et qui, petit à petit, s'emparent du pouvoir local, puis ensuite du pouvoir au niveau de l'État, avec la création de ce qu'on appelait le shogun, le shogunat, le régime shogunal, à partir du XIIe siècle. La naissance de l'empereur, le Tenno, c'est dès le 7e siècle, et déjà dans un État, semble-t-il, déjà très centralisé? Alors, les anciennes chroniques impériales tentent à montrer que l'émergence de cet État est très ancienne. Elle remonterait, disons, au VIe siècle, peut-être plus encore avant, si on tient compte des mythes. Mais l'archéologie, c'est un des éléments importants qu'on a essayé de mettre en valeur dans cet ouvrage. C'est qu'en fait, cet État apparaît réellement dans la seconde moitié du 7e siècle. Et notamment, le mot même de Japon est utilisé pour la première fois dans les années 670-680. Et le terme qui désigne l'empereur actuel, le Tenno, est utilisé également à cette époque. Alors que jusqu'à présent, on utilisait une autre expression. Donc, on peut dire que l'État japonais en tant que tel puisque son nom même est le nom du principal personnage apparaissent à cette époque-là. Donc on peut dire que l'État japonais naît aux alentours de 670-680. Laurent Despoulou, justement, l'historiographie japonaise s'est construite autour de l'expansion de l'État, laissant par là même ces territoires marginaux, une histoire donc au profit du centre et au détriment des périphéries, phénomène somme toute très classique. Oui, tout à fait. C'est un phénomène d'écriture de l'histoire des États, puisque généralement, même la discipline historique, au début, elle sert à servir un petit peu ça. Hein. On parle de généalogie, puis ensuite de ce qu'ont accompli les grandes entités politiques dominantes. Et donc, c'est dommageable pour nous qui cherchons à savoir comment fonctionnent aussi ces sociétés en périphérie des États. Mais c'est assez normal que, finalement, l'historiographie qui nous soit restée ait été essentiellement une historiographie portant sur l'État, ses accomplissements et son expansion. Mais du coup, il va falloir chercher par d'autres moyens ce à quoi on a affaire dès qu'on sort du confinement, on va dire, des sociétés étatisées. Laurent Despoulou, dans ce concept à géométrie variable, le Japon ne serait-il pas une marge insulaire du continent asiatique ? Alors, c'est vraiment une question qui est importante à poser. Parce que c'est vrai que je pense que de nos jours, quand on parle du Japon, ça viendra à l'idée de personne de nier au Japon son statut d'ensemble insulaire. Puisqu'effectivement, c'est un archipel, il y a des îles, donc c'est insulaire. On se rendrait compte quand même, en regardant l'histoire au long cours du Japon, qu'il y a des moments où le Japon a beau être un archipel, il n'est pas du tout isolé, il n'est pas du tout coupé du reste du monde. Et donc la logique insulaire, dans ces cas-là, fonctionne pas tellement bien. De même que quand on prend l'île principale de Honshu, celle de Kyushu, celle de Shikoku, c'est quand même des grandes îles. Et un paysan qui habite à Nagano n'a pas spécialement plus l'impression d'être un insulaire que quelqu'un qui habiterait pas loin des côtes atlantiques, par exemple. Vous voyez. En revanche, il y a un univers qui est clairement insulaire au sein même de l'archipel japonais. Ce sont les petites îles les plus septentrionales où toutes ces îles qu'on a dans ce qu'on appelle donc les Ryukyu, hein, entre Taïwan et Kyushu, avec Okinawa et les petites îles des Yaeyama, là, donc juste avant de Taïwan, où là, vraiment, on est dans un univers insulaire où on ne peut pas faire comme si la mer, l'océan, n'était pas là. Justement, ces périphéries sont bien entendu éloignées du pouvoir. Il s'agit notamment des îles au sud et de l'énorme île au nord, c'est bien ça, Pierre-François Souyré ? Oui, tout à fait. Avec cependant... quelque chose qu'il faut préciser quand on parle du Japon ancien, c'est que la partie nord de l'île principale de Honshu, la partie nord-est de l'île de Honshu, entre dans le système qu'on vient de décrire rapidement, de façon très progressive, entre le 8e et le 11e siècle. Il y a là un phénomène de poussée, en quelque sorte, de l'État central, qui tente à mettre la main, à dominer ces régions, qui lui échappait alors. Là, on a donc un phénomène d'intégration des marges à l'État central, mais qui se fait extrêmement progressivement. Bon, j'ai dit 11e siècle, mais on pourrait dire même que jusqu'au 14e siècle, les choses sont pas tout à fait acquises. Ces régions auront, semble-t-il, quelques particularités, sorte de zones soumises, reconnaissant la domination japonaise, mais avec une sorte de statut particulier aussi. Oui, alors ces régions donc du nord-est du Japon sont appelées par les Japonais de l'époque Fushu, ce qui signifie les tributaires ou bien les populations soumises. Pas les barbares. Pour reprendre un peu l'expression à la chinoise, vous savez que les Chinois distinguaient les barbares cuits et les barbares crus. Les barbares crus, ce sont ceux qui échappent complètement à l'emprise de l'Empire, et les barbares cuits sont ceux qui sont sur les frontières, qui sont plus ou moins sinisés. Les Fushu étaient donc considérés comme des barbares cuits, enfin l'expression n'existait pas, mais c'est comme s'ils étaient des barbares cuits, c'est-à-dire relativement déjà intégrés à l'Empire. Laurent Despoulou ? Oui, il y a quand même un terme qui alors pour le coup apparaît dans le contexte antique, donc on est quand même avant le Moyen-Âge, qui est le terme de Emishi, qu'on voit utilisé par le Japon, donc dit du régime des codes, qui est un terme qui est effectivement utilisé exclusivement pour désigner justement en vrac ces populations barbares au contact desquelles vont se retrouver les gouverneurs de province quand ils commencent à se situer dans le nord de Honshu. Et Emishi, c'est vraiment un terme qui renvoie aux barbares, hein, puisque c'est un terme, le sinogramme qui est employé pour ça, c'est, il est utilisé également par les Chinois pour décrire eux-mêmes leurs barbares cuits, certes, mais du nord du continent. Pierre-François Souiré, toujours au nord, entre Hokkaido et Honshu, une sorte de frontière tout à la fois géographique et culturelle semble attester lieu de mixité, d'échange, de contact, après, bien entendu, quelques conflits, notamment au 8e siècle de notre ère. Oui, alors, petit à petit, donc, les populations Fushu sont intégrées donc, à cet empire, non sans lutte, non sans difficulté, non sans révolte. Et la frontière, si on peut dire, mais au sens américain du terme, c'est-à-dire la poussée de l'État en direction du Nord, avec d'ailleurs, sans doute, on n'est pas en mesure de l'affirmer à 100%, mais sans doute des apports de population du Japon central qui viennent s'établir dans les marges du Nord. Des colons japonais. Des colons japonais, si on peut dire ça. Donc cette poussée se fait progressivement. Mais on note aussi, hein, en sens inverse, des mouvements de population du nord vers le sud, c'est-à-dire des gens qui habitaient Hokkaido, qui traversent la mer et qui viennent s'installer dans les marges nord-est de Honshu. Donc on a un phénomène, un double phénomène en quelque sorte. Et ceci n'est pas sans créer évidemment des problèmes comme on peut l'imaginer. Des tensions. Hokkaido, c'est l'ancienne Ezo. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que son intégration au Japon ne s'opère qu'au 15e siècle avec l'implantation d'une dynastie seigneuriale, les Kakizaki. Mais l'île n'est intégrée dans la souveraineté japonaise qu'à la toute fin du 19e. Oui, alors les seigneurs qui sont établis dans le nord-est de Honshu au 14e siècle, enfin l'une des branches de ces lignages, prend pied effectivement dans le sud donc du Hokkaido, l'actuelle région de Hakodate pour ceux qui connaissent. Et là on a la création d'un fief dirigé par cette famille des Kakizaki, qui change de nom d'ailleurs à la fin du 16e siècle pour vous dire les Matsumae, c'est encore sous ce nom qu'on les connaît aujourd'hui, et qui établissent donc un fief tout à fait assez proche de ce qui pouvait exister dans le reste du Japon, en lien bien sûr avec le shogun d'Edo. Et ces daimyo, ces seigneurs Matsumae, entretiennent des relations de domination avec les populations locales, qu'on commence à désigner sous le nom de Ainu, justement à peu près à cette époque, c'est-à-dire entre le 14e et le 16e siècle. Évoquons justement les communautés de l'île d'Hokkaido. Les Ainu sont sans doute les populations qui ont suscité le plus d'intérêt, mais aussi de curiosité. Côté anthropologie physique, tout a été dit sur eux. Souvent vus comme des populations fossiles, voire reliques, on les a même dit blanches. Quoi qu'il en soit, que sait-on aujourd'hui sur l'origine de ces populations dites Ainu ? Alors, c'est toujours très compliqué à débrouiller cette histoire, parce qu'en réalité, comme vient de le dire mon camarade, en fait, Hokkaido a beau être une île, c'est une île qui est entre Honshu et qui est entre des territoires plus nordiques. Qui les sont, îles Kouriles et, voilà, et, qui et sont le territoire soviétique. Exactement, connectés. Donc en réalité, il y a eu de la circulation de différents groupes humains de manière assez constante tout au long de ces époques-là. Effectivement, dans l'historiographie, on utilisait le terme Ainu il y a déjà un siècle, en essayant de rattacher ces populations aux populations préhistoriques. Bon, on sait maintenant que, bon, d'abord, c'est évidemment un anachronisme de parler d'Ainu pour les périodes les plus reculées. Et on sait qu'en fait, il y a tout un tas de cultures archéologiques qui se sont succédées, vraisemblablement à certains moments qui se sont affrontées. Et donc, bah, les Ainu, c'est, si on était un peu plus rigoureux, on devrait considérer que c'est la synthèse de tout ce qui reste. Mais même à l'intérieur de leur propre histoire, il y a des moments où ils sont plus sédentaires qu'à d'autres moments, où ils sont plus horticulteurs que chasseurs, et tout ça, voilà, sur 5 siècles, ces sociétés ont une histoire, et la génétique ne nous dit pas cette histoire du reste. La génétique, la linguistique ne vous apporte aucun élément ? Alors, la linguistique est intéressante, parce qu'effectivement, on arrive à pister dans l'extrême nord de Honshu, tout un tas d'éléments, c'est de la toponymie hein, qui rend parfois service, qui tendrait à indiquer que bah, les langues aïnous étaient plus étendues que ce que l'on pensait, peut-être au début, en tout cas étaient plus étendues que le simple cadre de Hokkaido. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, ça nous raconte pas tant la genèse en fait de ces sociétés. La genèse, elle se fait vraiment au contact des différentes zones tampons qui remontent progressivement vers le nord de Honshu à mesure que la pression de l'État japonais fait remonter son front vers le nord de Honshu. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Pierre-François Souhiri, Laurent Mospoulos, parce que la zone est marginale, parce que les Aïnous sont barbares, peut-on penser que l'introduction de l'agriculture du riz, comme la production du fer, n'ait été que plus tardive? Oui, alors dans le cas de l'extrême nord du Japon, l'introduction du riz est... Alors, à Hokkaido, c'est extrêmement tardif. On est au 19e et même au 20e siècle. Pour ce qui est du nord-est de Honshu, on sait qu'il y a eu... Le climat n'a pas toujours été le même hein, sur l'archipel. Et on sait qu'il y a eu, au 1er siècle de notre ère, le développement d'une civilisation yayoi, c'est-à-dire une civilisation de paysans rizicoles, dans le nord-est du Japon. Cette civilisation, en tant que telle, a disparu. On est revenu, en quelque sorte, à une étape de... Je sais pas si on peut parler d'étape. Une société de chasseurs-cueilleurs, probablement liée à un refroidissement du climat à cette époque-là. Petit âge glaciaire et les rizières ne réapparaissent que très tardivement, guère avant le 10e, 11e siècle. Oui. Effectivement, il y a un front, d'une certaine manière, de néolithisation de l'archipel qui démarre dans le nord de Kyushu au début du premier millénaire avant notre ère et qui va finir quand même par toucher le nord de Honshu, en gros, au milieu du premier millénaire avant notre ère. Mais par contre, la greffe va pas prendre de manière aussi durable que ailleurs dans l'archipel. Et on a, de fait, un recul. Des zones où on peut documenter vraiment la présence ancienne de rizières. Ça ne veut pas dire que les sociétés sont déshéritées ou je ne sais quoi, c'est simplement qu'ils se remettent à fonctionner selon des modalités qui sont davantage des modalités de prédation ou d'échange. La culture Aïnou n'émerge que durant le 14e, 15e siècle. On les a cependant fait héritiers de la plus profonde préhistoire du Japon. Cependant, diverses cultures se développent sur l'île, le 4e siècle au 9e siècle, donc avec d'autres caractéristiques. Oui, alors, c'est... Donc on va laisser de côté les Aïnous juste pour cette tranche de temps-là. Effectivement, donc à mesure que on va avoir une entité politique qui forcille hein, au centre de l'archipel, les réseaux d'échanges à moyenne et à longue distance sur les périphéries de cette entité politique vont s'étendre. Ces réseaux vont s'étendre et vont incorporer des populations qui culturellement, sans doute aussi sur le plan de leur manière de voir le monde, fonctionnent de manière tout à fait différente. Et ça va apporter des modifications dans le fonctionnement culturel de ces sociétés. Et c'est pour ça que, alors qu'à l'époque de la période des grandes tombes, hein, au 5e siècle, par exemple, dans le centre du Japon, on commence à voir ce type de tombe, on commence à en avoir dans l'actuelle région de Fukushima, donc on est vraiment dans le début là du Nord-Est, ça commence à être le début du Nord-Est, on va avoir, dans les marges de ce Japon archaïque, hein, voir se développer des cultures hein, qui sont plus tout à fait des cultures... héritière directe du Jomon, par exemple. Hein, et bon, alors l'archéologie japonaise leur donne tout un tas de noms. Dans le livre, on parle notamment d'une culture qui s'appelle la culture de Satsumon, qui fait partie donc de ces étapes au-delà de la préhistoire, mais où on a toujours des sociétés qui sont pas des sociétés très hiérarchisées, qui sont pas des sociétés qui font de leur économie sur la production de leur alimentation, mais qui sont hyper connectées malgré tout à tout ça. C'est ça qui est important hein, à comprendre. Ce que l'on connaît des Aïnous, c'est bien sûr Montandon ou André Leroy-Gourhan, hein, enfin du moins en France. Grosso modo, ce sont des sociétés de chasseurs de gibier marin. On est vraiment là dans quelque chose qui forme une sorte d'unité, la préhistoire du Pacifique Nord, de fait. C'était le titre de la thèse d'André Leroy-Gourhan. Hein, effectivement, et c'est pas faux. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette observation, que ce soit de Montandon ou de Leroy-Gourhan, c'est à un moment précis où, effectivement, ces sociétés sont comme ça. Mais il faut bien se rendre compte que deux siècles plus tôt, c'est pas exactement comme ça qu'elle fonctionne. Il y a des villages, il y a des maisons souterraines. Mais oui, il y a des maisons semi-enterrées, comme il en existait, comme il en a existé à plein d'autres époques, hein, à travers l'archipel. Donc il faut vraiment bien comprendre que ces sociétés ont une histoire et qu'elles ne sont pas égales à elles-mêmes tout du long. C'est ce type de réflexion qui font imaginer qu'on a des sociétés qui pourraient être de nos jours l'équivalent de sociétés préhistoriques. Pierre-François Souiré, nous savons que les Aïnous paient un tribut au gouverneur, notamment en fourrure de vison, plumes d'aigle, peau de daim. On peut même penser que pour payer les importations japonaises, les communautés Aïnous, qui sont bien sûr donc des chasseurs, ont été contraintes de se spécialiser dans des activités qui permettaient ces échanges. Oui, par exemple, la culture satsuma dont il a été question tout à l'heure, donc en gros du 11e au 14e siècle, est une culture qui connaissait l'agriculture. Il y avait donc une agriculture qui n'était pas une agriculture du riz, mais enfin qui était quand même une agriculture. Or, ces sociétés, au contact donc des populations japonaises qui avançaient vers le nord, se sont rendues compte que il était plus simple d'importer du riz, d'acheter du riz aux Japonais en échange d'autres produits, plutôt que de le cultiver soi-même. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces produits, ce sont des produits de luxe, même les algues, le saumon, visiblement, tout à fait. Donc, sont des produits destinés aux élites centrales. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a un trafic donc, qui se met en place entre le Hokkaido et Kyoto, la capitale, ou d'autres régions du Japon quand on est à l'époque d'Edo. Et ce trafic, évidemment, est un trafic. Alors bon, il y a les mammifères marins, il y a les pelleteries, enfin les peaux, le trafic des peaux. Les plumes d'aigle. Il y a les algues, le fameux kombu, qui est très apprécié par les classes dirigeantes japonaises à ces époques-là. En fait, les Aïnous donc délaissent complètement leurs activités traditionnelles d'agriculture pour se spécialiser dans la chasse, dans une dépendance, dans la pêche, et de fait dans une dépendance, c'est-à-dire qu'ils sont assez rapidement dans ce qu'on appelle l'échange inégal, avec des populations plus développées sur le plan économique, qui leur refilent en quelque sorte de la verroterie ou des petites choses, du saké, du riz, en échange de tous ces produits, et les sociétés Aïnous, petit à petit, s'appauvrissent en fait. En tout cas, c'est une culture matérielle absolument extraordinaire. J'ai vu donc au Musée national de Tokyo une petite salle réservée aux Aïnous. Ce sont des vêtements, il y a un véritable art Aïnou. Absolument. À quand une grande exposition en France? Absolument, il y a effectivement une culture Aïnou qui existe bel et bien. Alors bien sûr, il s'agit de populations qui démographiquement représentaient quelques dizaines de milliers d'habitants, guère plus, ce qui évidemment par rapport aux masses habitantes sur l'archipel ne comptait pas beaucoup, mais elles ont développé une véritable culture autonome. Partons vers le sud, non loin de Taïwan, tout au sud, nous voici sur l'archipel des Ryukyu, avec pour île principale Okinawa. Les habitants d'Okinawa semblent revendiquer leur identité culturelle vis-à-vis du Japon. Alors oui, effectivement, c'est... Là aussi, ça fait partie de ces situations compliquées où l'histoire est compliquée. Là, on est vraiment chez les insulaires et il y a un univers insulaire qui est propre à celui des Ryukyu. Bon, le problème de l'identité au Ryukyu, enfin c'est pas un problème, c'est la question de l'identité au Ryukyu, c'est que on a en fait un pouvoir central qui finit par apparaître au 15e siècle. C'est la monarchie installée dans l'actuelle Nara, la ville importante de Okinawa de nos jours, qui se met à dominer tout l'espace insulaire entre Taïwan et encore un peu au nord de l'actuel Okinawa. Ils vont être à leur tour soumis par les guerriers de Satsuma, donc ça c'est à Kyushu un petit peu après, pour ensuite être dans une relation doublement tributaire avec la Chine, puis être intégré à l'État japonais contemporain ensuite, pour être ensuite dominé par les Américains. Bref, on a un feuilleté de domination sur quelques siècles, qui est quand même assez vertigineux de ce point de vue. Et forcément, ça va avoir un écho sur comment les gens se perçoivent. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi de dire que la région, et visiblement ces îles, ont été occupées très tôt par des populations. L'homme de Mina Togawa, par exemple, 24-27 000, tout ça est très ancien. En revanche, l'agriculture, celle du riz irrigué, qui caractérise bien sûr la culture yayoi dont nous avons parlé dans une émission, dans le Japon continental, n'arriverait que très très tard sur cet archipel des Ryukyu. Et oui, c'est effectivement très tardif. Ce qui nous montre bien d'ailleurs que on peut faire un autre choix que celui de passer automatiquement à l'agriculture. Et à la production. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est incapable de documenter archéologiquement la moindre trace de production alimentaire au sens où on l'entend classiquement, avant le 12e et le 13e siècle, sur l'île principale d'Okinawa. Ce qui généralement revient à dire, voire même un peu plus tard, dans ces autres petites îles de ce très long espace insulaire. Donc c'est effectivement tardif, oui. Là aussi, jeu d'échange, ce ne seront plus des plumes d'aigle ou du vison, ce sont des coquillages qui sont échangés vers le centre. Alors effectivement, on a tout un tas de coquillages depuis la période Yayoi, hein, ceci étant dit, hein, les échanges existent. C'est coquillages, on a vraisemblablement également de la poterie qui circule, mais c'est vraiment les coquillages, oui, qui sont le centre des choses, notamment à l'époque antique, hein, à Nara. On retravaille à la capitale des coquillages qui viennent des mers du sud pour fabriquer des bijoux qui sont très prisés ou des objets en rapport avec la liturgie bouddhique. Dans cette mer de Chine orientale, vos îles sont bien sûr proches du continent et donc des grandes dynasties chinoises, notamment bien sûr les Ming. Les îles du sud périphériques s'intégreraient malgré tout dans une sorte d'économie monde ? Oui. Avec de la monétisation et tout le processus. Oui, on peut dire ça à partir du 14e ou 15e siècle, avec l'émergence d'une monarchie dans les Ryukyu, en tout cas à Okinawa, la monarchie des Shō, qui devient elle-même tributaire de l'empire Ming, à cette époque-là, donc au début du 15e siècle. Donc on peut dire que d'une certaine façon, il y a intégration à une économie monde est-asiatique, en tout cas. Et Okinawa prend son essor, en quelque sorte, au cours de ces siècles, pour devenir une puissance commerçante, une véritable thalassocratie, qui s'impose sur les mers orientales comme intermédiaire entre la Chine, le Japon et l'Asie du Sud-Est. D'ailleurs, si les Portugais sont arrivés au Japon en 1543, c'est parce qu'ils ont rencontré à Malacca des gens des Ryukyu, qu'ils appelaient les Rekios en portugais, et qui leur ont parlé du Japon et qui les ont amenés dans ces régions. Donc le Okinawa jouait un véritable rôle de comptoir. D'interface. Une périphérie, mais un interface. Oui, c'est une périphérie qui est en train de devenir un centre. Pierre-François Souyri, avec son état central, avec ses périphéries très peu hiérarchisées, le Japon historique constitue presque un ensemble hétérogène. Alors, hétérogène en ce sens où les historiens japonais ont toujours eu tendance à construire l'histoire à partir de l'État, et donc cette histoire est une histoire de la progression, en quelque sorte, de cet État vers le nord et vers le sud. Mais au nord comme au sud, des sociétés différentes de la société japonaise, ou celle qu'on appelle la société japonaise, autour de la cour impériale, puis des shoguns, ces sociétés donc ont perduré, en fait, très longtemps. Pour vous donner une idée, Hokkaido a été intégré officiellement à l'État japonais en 1869, et le royaume des Ryukyu a été dissous en quelque sorte et transformé en département en 1879. Donc on est vraiment après Meiji. C'était hier, exactement. Et il y avait donc une sorte d'ambiguïté de statut de ces régions jusqu'à ce qu'elles soient véritablement intégrées à l'État. D'ailleurs, dans une situation plus ou moins qu'on pourrait qualifier de semi-coloniale jusqu'à ces dernières années, enfin jusqu'à la fin du XXe siècle en tout cas. Cette histoire des marges, cette histoire de ces îles, est-elle désormais prise en considération ? A-t-elle intégré les manuels scolaires, l'histoire nationale ? Alors, le récit national les intègre à vrai dire assez peu. Il y a quelques pages dans les manuels, mais on ne va pas très loin. C'est un vrai problème parce que ces régions ne se sentent pas représentées dans l'histoire telle qu'elle était enseignée dans les collèges ou les lycées japonais. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu contre cette historiographie dominante qu'on a essayé de se positionner à travers ce livre où finalement ces régions de l'archipel ont une importance à l'intérieur du livre à laquelle on ne s'attendrait pas, disons. D'où cette émission. Pierre-François Souyri, Laurent Nespelous, merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre de ce livre, Des chasseurs-cueilleurs à Eian, donc le Japon, paru aux Mondes Anciens, dans la collection Mondes Anciens, aux éditions Belin. Merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Sofiane Aktib, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.